Nous avons également comparé un petit peu les variations des températures en fonction des saisons, sachant qu'en Guyane, on a grosso modo quatre saisons, petite saison des pluies, grande saison des pluies, petit été de mars qu'on aborde, et grande saison des pluies. Et on se rend compte qu'en fait, au niveau des températures minimales, la hausse la plus nette, c'est au mois de mars, c'est actuellement. Donc nous avons des températures plus chaudes le matin que par le passé. À l'inverse, les températures maximales les plus chaudes, ça va être la période de la grande saison Serge, donc grosso modo de juillet à novembre, où on constate une hausse de quasiment 2 degrés de plus que la moyenne. Donc grosso modo, un petit été de mars un peu plus tempéré, des minimales un peu plus chaudes, des maximales un peu moins élevées, par contre des saisons sèches. Des grandes saisons sèches plus accentuées en Guyane. Je pense qu'on l'a tous constaté ces dernières années, où on a eu des années, enfin, on a eu des périodes particulièrement chaudes, notamment octobre et novembre, septembre, octobre et novembre 2011, qui ont été particulièrement chauds. Pour ceux qui étaient là, je pense qu'ils s'en rappellent encore. Passons aux pluies observées en Guyane. Donc, deux cartes. Deux cartes. D'une part, la carte de gauche, la carte en bleu, la pluviométrie annuelle. C'est les normales de 1971 à 2000. Nous sommes en train de créer les nouvelles moyennes pour jusqu'en 2010. Donc la répartition des pluies moyennes, la partie la plus arrosée de la Guyane, grosso modo, c'est le secteur de Regina, donc la partie Oyapock à Prouag, qui accumule plus de 3 mètres, entre 3 à 4 mètres d'eau. Quant à la partie la plus sèche, ça correspond à la commune de Manade et de Javouet, hein, tout au nord de la Guyane. En revanche, sur la tendance sur 50 ans, donc de 55 à 2004, ce que nous avons constaté, même si ce n'est pas réellement significatif, c'est une diminution de la pluviométrie sur le littoral guyanais. On a une baisse d'environ 5% et une augmentation des pluies sur l'intérieur des terres. Donc bon, 5%, ce n'est pas très très important à l'échelle humaine, mais ça reste tout de même significatif. On verra la suite après. Donc, nous avons également découpé les pluies en termes de décennies, donc travaillé 10 ans par 10 ans, et on se rend compte surtout qu'il y a une très grande variabilité des pluies observées par tranche de 10 ans. Donc, la période la plus sèche en Guyane, c'est la carte en haut à gauche, c'est la période de 1955 à 1964, où on avait un déficit de quasiment de 30, voire 40% très, très localement. On constate à contrario que la période de 84, de 85 à 94 a été la décennie la plus arrosée. On observe donc un espèce de basculement à peu près par tranche de 10 ans. On n'a pas encore réussi à le corréler avec des grands phénomènes climatiques comme El Niño ou autres. Les études sont encore en cours. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que simplement nous avons vraiment une grande, grande variabilité des pluies sur la Guyane d'une année ou d'une décennie sur l'autre. Donc des années très arrosées, d'autres beaucoup moins. Donc on ne peut pas dégager une tendance comme on l'a fait avec les températures qui ont une hausse moyenne. Les pluies, ben, on est un petit peu dans l'expectative pour l'instant. Donc pareil en découpage par saison. Donc petite saison des pluies, décembre, janvier, février, on retrouve la même bascule décennie par décennie. Une décennie plus sèche, une décennie plus arrosée. On retrouve la même chose pour le mois de mars. Pour la grande saison des pluies, sachant que la période de 95 à 2004 a été la plus arrosée. Et également pour la saison sèche, on retrouve la même chose. Voilà, on va attaquer un troisième volet qui intéresse. Oui, je vois une main qui se lève au fond.